Chers amis blogueurs, adeptes du caressage de souris quotidien, bonjour. Vous avez dû vous en apercevoir, mais depuis ce début d'année, la France est confrontée à un énorme problème. La France ne sait pas arrêter sa fuite de cerveau. Tous nos meilleurs cerveaux se liquéfient et fuient vers l'étranger. On a eu Johnny, maintenant c'est Depardieu, et depuis quelques jours, nous avons appris que Brigitte Bardot menaçait aussi de quitter la France. S'il te plaît, Brigitte, ne nous fais pas ça. Non, Brigitte, reste avec nous, nous avons besoin de toi. Oui, je sais, Brigitte, que la situation actuelle est perturbante, énervante, que tu n'en peux plus de voir que le gouvernement ne s'intéresse pas aux choses essentielles, mais à des sujets d'aucune importance, en occultant le sort que l'on réserve à ces deux pachydermes lyonnais. Mais bon, Brigitte, si tout le monde se met à balancer son passeport pour défendre le droit des animaux, alors moi aussi, oui, moi aussi, je démissionne de ma nationalité pour sauver Yuki, le caniche de ma voisine que j'ai malencontreusement écrasé en rentrant chez moi et qui maintenant ressemble plus à une descente de lit premier prix qu'à un canidé. Mais qui a malgré tout, selon moi, le droit de continuer à vivre même à plat ventre. Et Brigitte, entre nous, beaucoup d'autres avant toi ont essayé de sauver de vieux éléphants. J'ai d'ailleurs sous les yeux une lettre envoyée récemment à François Hollande qui démontre que tu n'as rien inventé et que tes agissements ressemblent à une plagiat de mauvais goût. Donc voilà la lettre. Monsieur le Président, c'est avec une grande désolation que je m'adresse à vous. En effet, depuis votre prise de fonction, vous avez complètement mis en péril la vie de plusieurs éléphants. Certes, peut-être un peu usés, passés, mais qui peuvent malgré tout encore être utiles. Si vous ne sauvez pas nos vieux éléphants en leur redonnant une place importante dans le paysage français, je menace publiquement, moi aussi, de quitter la France. S'il vous plaît, monsieur le président, ne laissez pas sombrer nos vieux éléphants. Sauvez Dominique, Ségolène, Bertrand et Martine. Signé Anne. Bon, du coup, depuis ta lettre, Brigitte, le gouvernement a revu ses chiffres sur le trou de la Sécu en prédisant un recul du déficit en ce début d'année. Tu m'étonnes. Un tiers du déficit dû au cholestérol s'est éparpillé entre Bruxelles et Moscou. Un deuxième tiers dû aux cirrhoses menace de partir. Bon, bien entendu, il reste un dernier tiers. Eh ben c'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à faire partir Jeanne Moreau pour faire diminuer les dépenses liées au cancer du poumon. Et là, on aura gagné. Comme quoi, le gouvernement, mine de rien, savait ce qu'il faisait et qu'avec sa réforme, il gagnerait de l'argent.